23-17, activation orale, optimisme, pessimisme. Vous allez entendre une série de dialogues entre un optimiste et un pessimiste. Écoutez chaque dialogue en entier une fois, ensuite jouez le rôle de l'optimiste. Par exemple, vous entendez 1. Je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas. Vous entendez je suis inquiet. Et vous dites ne vous inquiétez pas. 2. Nous allons à la catastrophe. Tout s'arrangera. Nous allons à la catastrophe. 3. Vous verrez, tout ça finira mal. Moi, je ne m'en fais pas. Vous verrez, tout ça finira mal.